بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc on continue, donc on va lire quelques fatwas. Cheikh Saleh Al-Fawzan, dans son livre Al-Ijabat Al-Muhimma fi Al-Mashakil Al-Mulimma, dans le volume 1, à la page 136. On est arrivé donc à la partie 52 et on est toujours donc on avait fait les fatwas sur les anachides et puis on avait rajouté aussi les paroles des ulama au sujet des anachides et le verdict des anachides que c'est quelque chose qui est interdit contraire à l'islam, que c'est l'action des soufis et des hizbiyins. Hein, et des hizbines et des harakim, ils utilisent cette méthode pour soi-disant faire de la da'wa. Maintenant, inshallah, on va lire quelques fatwas au sujet de at-tamthil, c'est-à-dire les pièces de théâtre. Qu'est-ce que certaines personnes font comme méthode? Ils prétendent que ce sont des méthodes qu'on peut employer pour faire la da'wa à l'islam. Et justement, dernièrement, il y avait, je pense, peut-être l'année passée, il y a eu un groupe de hizbiyins en France, hein, comme le groupe Nader Abu Anas et Rachid Abu Hudayfa, ce groupe de hizbiyins qui essaient de prendre une apparence islamique, salafi, ils essaient de prendre une apparence comme quelqu'un qui, comme des gens qui sont sur la sunna, hein, ils laissent la barbe, ils portent le qamis, hein, ils se donnent une apparence comme des gens étant sur la sunna. Pourtant, leur méthodologie et leur manhaj, c'est le manhaj des hizbiyin, des ikhwan, hein, et des sururiyya et des qutbiyin. Donc ils sont en train de suivre la voie de ces gens-là. Et la preuve de ça, la meilleure preuve de ça, c'est par rapport aux références qu'ils adoptent et qu'ils enseignent aux gens de suivre. Et par exemple, il y en a dans une de ces interventions où il y avait Nader Abu Anas avec Rachid Abu Hudayfa et un autre jeune de la Belgique qui fait des vidéos aussi sur YouTube. Ils étaient présents, puis ils posaient la question au sujet des mises en garde, puis au sujet des références et ainsi de suite. Et là, ils disaient, Nader Abu Anas, il disait, d'habitude je nomme pas de nom, je mentionne pas de nom, mais là cette fois-ci je vais mentionner des noms, et ainsi de suite, pour éviter que des gens soient égarés ou des choses de ce genre. Donc il dit, je vais mentionner quelques noms, puis là il a mentionné bien entendu des grands ulama comme Cheikh Abdelaziz ibn Baz, Cheikh ibn Uthaymeen, et il a dit, ces savants-là, dans leur cours, il y a beaucoup de khair. Et puis, par la suite, les noms qu'il a nommés après ces deux grands savants-là, ce sont que des hizbines en général qu'il a mentionné comme Mohamed Hassan. Hein, on sait que son manhaj, il est clair maintenant, qu'il n'a rien à voir avec la salafia, qu'il n'a rien à voir avec la sunna. C'est quelqu'un maintenant qui incite les gens à rentrer dans les élections, qui a participé lui-même aux manifestations et aux révoltes en Égypte. Sans parler de sa défense de Sayyid Qutb, de sa défense de Bin Laden et des autres problèmes de manhaj qu'il a, qui sont des problèmes qui opposent la salafia et le manhaj des salaf. Et yani, il a mentionné Nabil Al-Awadi, hein, celui qui faisait son émission d'anachide, là, qu'il invitait des chanteurs pour venir chanter des anachides, qui ressemble plus à de la musique que d'autres choses. Et qui a beaucoup d'autres problèmes aussi dans le manhaj, hein, qui fait partie des qussas, des gens qui racontent des histoires pour divertir les gens, yani, pour divertir la masse. Ils leur racontent des histoires pour les amadouer, pour toucher leurs émotions et leurs sentiments, sans revenir aux exemples du Coran et de la Sunna comme le font les ulama. Donc ça, c'est des exemples. Puis il a mentionné aussi d'autres, dont je ne me rappelle plus, peut-être il a mentionné Mohamed Al-Uraifi et d'autres. Il n'a pas mentionné des ulama salafiyin autres que Cheikh Ibn Al-Aziz Ibn Baz et Cheikh Ibn Uthaymeen. Et quand il parle d'eux, il dit, ouais, ils ont beaucoup de khair. Et je sais, il y en a qui vont dire, quand il a parlé des autres, Hizbiyin, il a dit, ouais, je sais, vous allez dire, ouais, ceux-là, ce sont des Qutbi, ce sont des Sururi, ce sont des ci et ça. Comme si pour essayer de rejeter ça du revers de la main. Comme si c'était seulement des fausses accusations qui n'étaient pas supportées par des preuves. Hein? Alors que les preuves existent et les preuves sont là pour ceux qui les cherchent et qui veulent savoir. Mais Allah musta'an, la patience c'est quelque chose qui aveugle. Nasallallahu al-afiyah. Donc soyez certains que ces gens-là maintenant sont démasqués et sont clairs, clarifiés. Il y a plusieurs frères, alhamdoulilah, parmi les frères qui font la da'wa salafia en France. Qui est en français, qui ont clarifié l'égarement et les déviations de ces jeunes. Abdul Malik, le frère Abdul Malik, Al-Fransi, Abu Adam, hein, Jazallah Khairan, il a fait une mise en garde. Il y a le frère Mahdi, Abu Abdurrahman, qui est actuellement à Birmingham, qui était préalablement à Bruxelles, maintenant qui est à Birmingham. Avec les frères de Salafi Publications, il a écrit quelques bons textes, mashallah, pour réfuter quelques shubuhat au sujet de la Salafia de Rachid Abu Hudayfa, hein, cet ennemi déclaré de la Salafia maintenant en France, qui critique la Salafia, qui émet des shubuhat au sujet de la Salafia pour éloigner les jeunes de la Salafia. Hein. Donc ça c'est un frère qui a réfuté ce genre de choses-là. Puis il y a d'autres frères aussi, et d'autres parmi les qui ont écrit, qui ont parlé et qui ont clarifié à ce sujet-là, donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala les récompense et les raffermisse et fasse que Allah fasse que ils continuent à de plus en plus à clarifier la vérité à leur sujet pour que les jeunes ne soient pas trompés justement par rapport à ces imposteurs. Donc le cheikh Al-Fawzan, on lui a posé la question, parce que ces jeunes-là, hein, Rachid Abu Hudayfa et Nadir Abu Anas, ils ont fait une pièce de théâtre dans une mosquée où ils ont simulé un jeune qui était pêcheur, qui faisait des péchés, et ils lui ont fait dire, donc, parler de ses péchés devant les gens dans la mosquée en faisant croire aux gens que c'était quelqu'un qui n'était pas pratiquant de la religion et qui disait ouvertement ses péchés, comme s'il faisait une mise en scène. Puis, lui, Nadir Abu Anas et l'autre, Rachid Abu Hanifa, qui sont assis à gauche et à droite de cet individu-là, et commencent à faire des commentaires sur qu'est-ce que cette personne est en train de dire. Tout ça, c'est une mise en scène. Bien entendu, tout ça, c'est haram. Hein, de se mettre dans la peau d'un pécheur puis de parler de péché ou d'inventer des choses de ce genre, ça c'est pas la méthode du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour faire la da'wah, et c'est pas la méthode des ulama non plus. Ça c'est la méthode des ikhwan et des hizbiyin qui font des pièces de théâtre, qui font maintenant même des films, des cinémas, des téléséries soi-disant islamiques pour essayer de faire passer un message à la méthode des kuffar. Donc, qu'est-ce que disent les ulama de l'islam au sujet de cette question? On va commencer donc avec, on va lire quelques fatwas de Cheikh Al-Fawzan à ce sujet-là. On a posé la question au Cheikh Al-Fawzan. السؤال ما رأيكم في من يبيح التمثيل في المساجد وذلك من باب الدعوة؟ الجواب شيء يحدث ليس من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في المساجد وغيرها لا يجوز ولا ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أو المسلمين بعده كانوا يستعملون التمثيل والمسرحيات في المساجد ولا في غيرها. Donc on a posé la question au Cheikh Al-Fawzan, quelle est votre opinion au sujet de celui qui permet de faire des pièces de théâtre dans la mosquée et qui prétend que ça c'est dans le but de faire la da'wa? La réponse, le cheikh il dit, ça c'est une chose qui a été inventée, qui ne fait pas partie de la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, dans les mosquées ou ailleurs que dans les mosquées. Ce n'est pas permis, et on n'a jamais rapporté que le messager sallallahu alayhi wa sallam ou quelconque d'entre les musulmans après lui aurait utilisé le théâtre et les spectacles dans la mosquée, ni en dehors de la mosquée également. Donc ça c'est une réponse du Cheikh Al-Fawzan qui est claire, hein, et qui est explicite et qui est supportée par des explications et des clarifications et des preuves que personne ne peut remettre en question. C'est-à-dire, quelqu'un ne peut pas venir dire, par exemple, comme certains d'entre ces Hizbiyin, oui, ça c'est l'opinion de Cheikh Al-Fawzan, mais il y a d'autres ulama qui disent que c'est permis. Hein? On ne peut pas utiliser cet argument-là, à moins qu'on ramène des preuves, parce que le Cheikh, il explique que ça ne fait pas partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni dans les mosquées, ni à l'extérieur des mosquées. Et effectivement, si on retourne au Coran et à la sunna, on ne retrouve pas de pièces de théâtre. Hein? Et ceux qui essaient d'interpréter parfois, certaines, comme par exemple, il y en a qui prennent les exemples de ce qui est mentionné au sujet des peuples précédents qui sont mentionnés dans le Coran ou dans les hadiths, ou bien des exemples de ce qui s'est passé entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Jibril, hein, et d'autres parmi les sahaba, que ça ce serait du théâtre. Yani Allah al-musta'an, nasallallahu al-afiyah. Le théâtre c'est le mensonge, comme le cheikh il va le mentionner. Et qu'est-ce qui a été mentionné dans le Coran et dans la sunna, hein, au sujet de l'exemple des prophètes, des messagers et des sahaba, ça c'est pas des mensonges, ça c'est la réalité, c'est la vérité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans les hadiths, malheur à celui qui dit un mensonge pour faire rire les gens. Malheur à celui qui dit un mensonge pour faire rire les gens. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parfois il faisait des plaisanteries pour faire rire les sahaba, ou bien il disait une blague. Sauf que il disait, et quand je fais une blague, je dis la vérité. C'est-à-dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il fait une blague ou s'il fait une plaisanterie, il est véridique, même quand il fait une blague. Hein, c'est pas comme des gens qui disent, aujourd'hui, parfois ils font une blague, ils disent n'importe quel mensonge, puis après ils disent non, je blague, c'est pas vrai. Hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait pas ça. Donc, une autre fatwa, as-su'al, hal yajuzu lil mudarris عرض صور من المعارك في الجهاد وصور من التدريبات أو التمثيليات التي يمثل فيها دور الصحابة رضي الله عنهم أجمعين للطلاب في المدرسة أثناء الحصص النشاطية. Donc la question, est-ce qu'il est permis aux professeurs de présenter des images des différentes batailles dans le jihad et des images des entraînements militaires ou bien des pièces de théâtre dans lesquelles on représente le rôle des sahaba, hein, le rôle des sahaba radiallahu anhum ajma'in, pour les élèves de l'école pendant les périodes de motivation ou d'activité, hein. Et le cheikh il a répondu. الجواب لا يجوز عرض الصور المحرمة والتمثيليات الملهية والتي تمثل الصحابة والمجاهدين في سبيل الله وإنما على المدرس أن يشرح الدرس حسب الطريقة المتبعة والمعروفة عند أهل العلم قديما وحديثا. Donc qu'est-ce qu'il dit Cheikh Al-Fawzan au sujet de cette question? Il dit, il n'est pas permis de présenter des images haram, interdites, et de faire des pièces de théâtre qui viennent distraire les jeunes et les divertir, et de représenter les sahaba et les mujahideen qui combattent dans le sentier d'Allah. Mais le professeur doit s'en tenir à l'explication du cours selon la méthode qui a été suivie et employée et qui est bien connue chez les hommes de science dans le passé comme à l'époque actuelle. Donc ça c'est des exemples clairs et des réponses claires. Le cheikh, on lui a posé la question, ensuite à Soual. يقول اتخذ البعض الرحلات والزيارات طريقة للهداية والاستقامة. ما حكم هذا في الدعوة إلى الله؟ وما الحكم إذا جمع معها تدريس كتاب أو من كتب العقيدة؟ إذا جمع معها تدريس كتاب من كتب العقيدة. الجواب. Donc on a posé la question au cheikh. Qu'est-ce qu'on dit au sujet de certains qui font des voyages organisés et des visites et qui utilisent ça Hein? Comme il y a des fois, surtout les hezbiyins, ils emploient cette méthode. Ils organisent des sorties, hein? Des visites. Ils organisent des... Ouais, ils font ça des fois. Des sorties en groupe pour aller faire des activités, soi-disant, dans le but de guider les gens et de les amener à s'accrocher à la religion. Donc le cheikh il dit, est-ce que ça rentre dans la da'wa à Allah, de faire la da'wa à Allah, et quel est le verdict si on rassemble avec ça ou on rajoute avec ça le fait d'enseigner un livre parmi les livres de Aqidah. Le cheikh il dit, الجواب أنا أقول لكم لا تغادروا المساجد وجماعة المسلمين اتركوا الرحلات ولا تسموها رحلات دعوية لأننا لا ندري ما حقيقتها ومن الذي وراءها ولا من الذي يدخل فيها ولكن عندكم ولله الحمد المساجد والمدارس وتجمعات المسلمين في مجالسهم والزموا الجماعة جماعة المسلمين هذا الذي أوصيكم به ولأن الوقت الآن وقت فتن ووقت شرور أصبح المسلم مثل الشاة بين الذئاب تريد أن تفترسه فالزموا جماعة المسلمين ولا تكثروا من الخروج والرحلات خصوصا صغار السن حافظوا عليهم ولا تتركوهم يسافروا ويذهبوا وأنتم لا تعلمون عنهم ولا أين ذهبوا هذا فيه خطورة في هذا الزمن خاصة. Donc le cheikh il a répondu d'une façon, il a clarifié. Il dit, moi je vous dis, hein, je vous dis, ne quittez pas les mosquées, ne délaissez pas les mosquées et le corps des musulmans. Laissez tomber les sorties et les voyages organisés. Et ne les appelez pas des voyages de da'wah. Parce qu'on ne sait pas la réalité de ces voyages-là et qui sont derrière. Parce que beaucoup d'entre ces voyages sont organisés par des organisations de hizbiyya et des groupes de bid'a comme les ikhwan. Et d'autres groupes comme Tablir ou d'autres qui ont d'autres objectifs derrière ces sorties et qui ont comme intention d'enrôler des jeunes dans leurs organisations pour les faire travailler pour eux par la suite. Et que ces gens-là les éloignent du Coran et de la Sunna et des ulama qui suivent la voie d'Ahl Sunna pour les amener vers la voie des Khawarij et des Takfiriyin et d'autres groupes et d'autres égarés. Donc le Cheikh il dit, donc, écartez-vous de ces groupes-là. Écartez-vous de ces sorties. Hein? On ne sait pas qui est-ce qui est derrière. Et on ne sait pas qui est-ce qui rentre dedans. Mais, il dit, par la grâce d'Allah, vous avez les mosquées, vous avez les écoles, vous avez les endroits où les musulmans se réunissent dans leurs assemblées. Restez avec le groupe des musulmans. Le groupe des musulmans, ça c'est ce que je vous enjoins de faire et de suivre. Parce que nous vivons dans une époque aujourd'hui, c'est une époque de tribulation et de fitan, de problèmes, d'épreuves. Et une époque, un temps où il y a beaucoup de mal qui se propage. Et le musulman, il est devenu comme le mouton qui est chassé par des loups et qui veulent essayer de le manger et de l'attraper et de le chasser. Donc restez avec le corps des musulmans. Et ne faites pas trop de sorties de ce genre et des voyages organisés de ce genre. Surtout avec les jeunes, les enfants, les jeunes enfants. Préservez-les et ne les laissez pas voyager et partir alors que vous ne savez pas où est-ce qu'ils sont et où est-ce qu'ils vont. Parce qu'il y a dans ça un grand danger et en particulier à notre époque. Donc ça c'est une autre question, une autre réponse à une question de ce genre. Bon, dans ce cas-là, on va arrêter. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.